Le nouveau parti socialiste roumain a présenté dans son page d'internet Les Idées du Jeudi l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Songun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents faits en la matière.